C'était le début de l'été. Les bons limiers étaient au soleil et les dealers à l'ombre. Il n'y avait plus qu'à fumer le saumon pour faire légal. Ce jour-là, j'avais descendu 227 marches, 3 maris en fuite et 17 Jack Daniels. On ne devrait jamais faire de mélange. Elle a poussé la porte de mon bureau avec le châssis de muguet propane. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, poupée ? C'est le patron d'Azir qui m'a donné votre numéro. J'aurais besoin de vous pour me faire un petit boulot. Causant des grandes nuits qui finissent dans un petit mouchoir. On m'a volé un truc, j'ai dû avoir vos quelque part. Voilà, je me suis perdue, trop de câlins chez les poumées. Aidez-moi si vous le pouvez à me retrouver. Ok, je prends l'affaire. 20 millions par jour plus l'argent. S'était perdu. Alors on est partis tous les deux au hasard. On a écumé bar, bière, bistrot. On a interviewé le danseur étoile de l'Opéra d'Helsinki. Sans succès. Elle s'était quittée sans laisser d'adresse.